Ouais, Mahdi. Ouais, Mahdi. C'est qui en fait Mahdi? C'est qui en fait Mahdi? Bah, Mahdi, c'est l'alchimie de deux gars, entre autres des cousins, qui font du son ensemble tout simplement, quoi. Voilà, l'un se prénomme MD et l'autre Heidi. Ouais, exactement, et bon, à travers leur musique, ils veulent faire passer des bonnes vibes et un message positif, quoi, pas comme ce qu'on peut entendre encore. Ouais, donc voilà. Ils veulent partager aussi leurs émotions à travers la musique. Exactement, un message de foi, d'amour, de paix, d'espérance. Et je pense que c'est pas mal, quoi. Ouais, ouais. Ça passe. T'en dis quoi, Heidi? C'est vraiment intéressant comme groupe, ça. Exact, ouais. Ouais. Ouais. Pas mal. Pas mal.